Aujourd'hui, épisode spécial sur 21 Shuttle, puisqu'on a reçu Franck Laurent, président de l'Orléans Masters. Alors que les demi-finales se sont déroulées ce samedi, il nous a notamment raconté la préparation très difficile du tournoi, le manque de reconnaissance de celui-ci en France et la possibilité que le tournoi devienne un Super 300. Bienvenue pour un nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. I'm the bad guy. Take that! Bonjour Franck Laurent, merci d'être venu sur 21 Shuttle. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs? Alors bonjour à tous, moi je suis Franck Laurent, je suis le président de l'Orléans Master de badminton qui se déroule, comme le nom l'indique, à Orléans. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, en tant que président? Est-ce que vous faites quelque chose à côté du tournoi? Parce que j'imagine qu'on ne vit pas en étant président de l'Orléans Master. Donc. Alors non, moi je travaille à un côté, j'ai un métier, je suis directeur de projet informatique dans une société de service française. Donc j'ai pas mal d'activités à côté de l'Orléans Master de badminton. Alors je suis issu de cette famille de badminton parce que j'ai commencé le bad en 91, donc ça va faire 30 ans en fait. Et donc j'étais joueur, j'étais président de club, j'étais membre du comité départemental de la Manche et du Loiret. Voilà, et après je suis devenu président de cette structure qui est l'Orléans Master de badminton. Cette année, c'est forcément une année particulière. On sait que c'est un tournoi qui se prépare des mois en amont. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez un peu vécu cette préparation qui, j'imagine, était très difficile jusque dans les derniers jours juste avant le tournoi? Oui, alors c'est une préparation complètement différente des autres années. Comme vous l'avez dit, on prépare le tournoi des mois en amont. On réfléchit au projet, parce que pour qu'il y ait du rythme dans l'année, pour faire des présentations, pour créer le buzz avant le tournoi et après le tournoi. Donc il n'y a pas que le tournoi en fait, il y a une vie avant et après. Et donc tout ça s'est perturbé, on attendait septembre, on commence à travailler. Octobre, novembre avec le confinement, on a arrêté de travailler. Après on a repris, on s'est dit décembre, janvier, qu'est-ce qu'on fait? On le maintient, oui. Après, sous quelles conditions? De semaine en semaine, on changeait notre fusil d'épaule en disant non, on ne le fait pas, oui, on le fait, non, on le fait à huis clos. Donc, c'était très compliqué parce que ça change un peu la structuration de la compétition. Donc, c'était une année très particulière. Moi, je disais il y a un mois et demi qu'on n'était pas prêt encore dans l'organisation. On avait beaucoup de choses à faire, on avait pris beaucoup de retard, on ne vendait pas de place. Alors, du coup, on s'est dit, mais de toute façon, personne n'arrive à se projeter sur le mois de mars. Donc, autant arrêter et de dire, on fait un tournoi à huis clos, parce que personne n'était capable de dire ce qui allait se passer cette troisième semaine de mars. Donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on a réduit le volume des activités qu'on faisait habituellement. On a réduit le nombre de bénévoles, on a réduit pas mal de choses pour que la compétition puisse se faire dans de bonnes conditions. Voilà, on s'est concentré sur l'essentiel. Parce que l'idée, ça a été, est-ce que c'était on organise quoi qu'il arrive, même si ça doit être moins de bénévoles, moins de tout ça, est-ce qu'il faut le faire à tout prix? Mais le faire à tout prix, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il fallait le faire. Bien sûr que s'il y avait eu un confinement généralisé, si le nombre de morts avait explosé en France, s'il n'y avait pas eu de vaccin, ça n'aurait été pas raisonnable de le faire. Mais il faut quand même montrer des signaux qu'il y a des choses qui peuvent reprendre et qui peuvent se faire. Après, on est encore dans cette crise mondiale, donc il faut qu'on puisse montrer que y a une sortie du tunnel. Parce que ça fait un an, nous on a annulé notre tournoi en 2020, le 13 mars. Donc ça fait plus d'un an qu'on est dans cette crise. Et je pense que tout le monde a besoin de voir cette sortie du tunnel. Donc moi j'y tenais beaucoup à ce qu'on le fasse. pour montrer que bah, voilà, il y a des choses qui vont commencer à reprendre, qu'il y a une vie qui commence à reprendre. Il y a un aspect symbolique. Il y a un aspect symbolique de la chose. On a pris beaucoup de précautions, on a beaucoup travaillé avec la Fédération française de badminton pour mettre en place un protocole sanitaire très strict, et la Fédération internationale, la BWF. Donc on a mis beaucoup de choses en place pour que cette compétition se tienne. Et on voit que les bénévoles qui sont présents, les judonniers qui sont présents, sont heureux d'être là. Ils sont heureux. Il y a vraiment beaucoup d'émotions qui se passent entre nous, même si ce n'est pas les mêmes autres années, c'est différent. Mais on arrive à quelque chose qui est super positif. Voilà. Je vais faire la blague, mais on est tous négatifs aujourd'hui parce qu'on a fait tous nos tests PCR hier. Aujourd'hui, j'ai eu les résultats. Tout le monde est négatif, mais c'est un truc extrêmement positif. Donc, c'est la sortie du tunnel. Et ça crée cette petite lueur d'espoir pour le sport, pour le badminton, pour la vie en commun. C'est vrai que même s'il y a le huis clos cette année et que l'année dernière, vous l'avez dit, ça a été annulé. Bon, malheureusement, effectivement, nous, on devait venir et ça n'a pas pu se faire. Mais cette année, le fait de maintenir le tournoi, il faut quand même le dire, c'est devenu un tournoi international. Orléans, c'était pas le cas avant, c'était un tournoi du circuit européen. Est-ce que pour vous, ça reste important de maintenir le tournoi aussi pour ça? Parce que c'est Orléans, ça devient quand même une date du calendrier international. Et c'est donc important pour la ville et pour le tournoi. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, comme je l'ai dit, là, c'était important pour nous, joueurs pour le badminton français, pour les bénévoles, c'était important de le maintenir. La deuxième chose, c'est qu'il faut rappeler quand même que les joueurs sont des joueurs professionnels. Donc, ils gagnent leur vie, soit par leur partenariat, donc avec leur marque, soit en gagnant des primes sur les tournois. Donc, je pense que quiconque qui va écouter cette émission, il y a un nombre de personnes qui se sont retrouvées au chômage partiel ou voire qui ont perdu leur emploi. C'est difficile psychologiquement de dire j'ai perdu mon emploi à cause d'un virus. Donc, et c'est le cas, il faut bien y penser, c'est le cas pour les joueurs. Les joueurs sont des pros, ils font que ça. Donc il y a des joueurs qui ont vu leur revenu baisser. Hein, je rappelle qu'un centième mondial au badminton, ça ne gagne pas grand-chose. Donc quand on ne fait pas grand-chose divisé par deux, alors vous allez me dire, ça ne fait toujours pas grand-chose, mais ça fait encore moins. Donc il faut quand même penser à ces joueurs. On n'a pas des joueurs qui sont millionnaires. Donc ils travaillent dur, pour faire un spectacle, de badminton. Donc c'est important pour eux de redémarrer. La Fédération internationale a beaucoup appuyé sur ce point. Ils ont fait des conditions en Thaïlande, sur les trois tournois de Thaïlande, très strict, très strict. Ils ont énormément communiqué dessus en montrant que c'était possible. Le Swiss Open s'est très bien passé. Le All England, bon, il y a eu peut-être un excès de précaution, mais c'est les mesures gouvernementales d'Angleterre. Mais globalement, c'est bien passé. Nous, ça se passe bien aussi. Voilà, il y a un ou deux cas où c'est compliqué. Mais ça se passe bien, donc on est capable de redémarrer et pour que les joueurs puissent reprendre une activité professionnelle. J'appuie sur ce mot-là, mais on vient voir des professionnels jouer, donc c'est important pour eux. Il y a beaucoup de joueurs ils vont voir leur contrat diminuer dans les années à venir. Ils vont avoir des baisses de revenus très fortes, donc déjà qu'ils ne gagnaient pas beaucoup. Donc c'est très important qu'on puisse redonner un peu d'air à tous ces professionnels-là. Et vous parlez de l'aspect financier, mais même pour le tournoi, parce que j'imagine que d'habitude, la billetterie, ça, je ne sais pas le pourcentage que ça rapporte, mais ça vous rapporte forcément. Le fait de le faire à huis clos cette année et qu'il n'y ait pas eu d'édition l'année dernière, est-ce que ça, j'imagine que ça a un impact, mais est-ce qu'il est important cet impact? Alors, il y a... Sur la billetterie, c'est 15% de revenus pour la manifestation sportive. Donc, en enlevant la part billetterie, on a enlevé aussi d'autres activités, d'autres dépenses. On a demandé à la BWF de baisser le price money. On devait être à 100 000 dollars. On est passé à 75 000. Donc, on a trouvé une compensation. Donc, je n'ai pas tous les chiffres encore. Je ne sais pas comment va s'en sortir le tournoi. Mais globalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Globalement, les collectivités locales ont maintenu leurs subventions, nos partenaires nous ont suivis. Donc globalement, on devrait être à bon niveau sorti de cette édition-là. Du coup, j'ai oublié la question. C'était l'impact financier de l'annulation de l'année dernière et ouais. Voilà. Alors l'impact de l'an dernier, ça a été que on a annulé très tard, 15 jours avant la compétition. Donc on avait quand même un certain nombre de rentrées d'argent, dont les collectivités locales ont vraiment joué le jeu. Ça, il faut le voir, c'est que on a été tous sous perfusion hein, l'an passé. Les associations comme celle-là qu'on a annulé au dernier moment, on avait des dépenses, mais elles ont été couvertes par les subventions publiques. Alors on avait remboursé la billetterie, nos partenaires, on a déporté ce qu'ils avaient donné l'an passé à cette année, et on s'en est sortis. Voilà, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'organiser une manifestation sportive avec 4000 personnes dans la salle. C'est ça l'objectif du tournoi. Par les spectateurs, cette année, il y a peut-être le plus beau plateau qu'ait connu l'Orléans Masters. Malheureusement, même avec des forfaits, donc c'est dire quand même le niveau qu'il y a cette année. Est-ce que vous pensez aussi que c'est un moyen de remplir la salle pour les autres années, le reste de la semaine, parce qu'on sait qu'il y a quasiment salle pleine le week-end, on peut le dire, mais c'est pas toujours le cas en début de semaine. Donc est-ce que pour vous c'est important de maintenir ce niveau de joueurs et forcément du coup d'amener plus de public les années d'après? Le plateau de cette année est vraiment un plateau particulier. Trois choses. Un, il y a peu de tournois. Donc même le 10e mondial a besoin de jouer. Ils ont besoin d'avoir du volume de jeu. Il faut qu'ils reprennent une activité. Deux, il y a les JO qui sont en ligne de mire. Donc il faut aussi pour un certain nombre de joueurs, je pense surtout aux Indiens qui se tirent un peu la bourre dans le top 20 mondial pour aller aux JO. Donc c'est important d'engranger un certain nombre de points. Trois, il y a eu un certain nombre d'annulations de compétitions qui étaient prévues aussi. Donc, ce qui a fait que les joueurs se sont aussi rabattus sur notre compétition. Il y avait la Malaisie juste la semaine d'après, ça a été postponé. Donc, ils se sont un peu rabattus. Bon, ça explique, je pense, une partie du niveau que nous avons cette année. Alors, maintenant, je vais pas décevoir vos auditeurs. Le but, c'est de savoir. L'année prochaine, on retrouvera notre niveau dans lequel on est. Ça veut dire un BWF 100. Un BWF 100, ça veut dire des têtes de série entre le 10e et 20e mondial. Alors, il faut quand même dire que c'est juste énorme. Quand je vois d'autres compétitions, par exemple des compétitions qui ont une balle jaune, quand ils ont un 140e mondial sur le terrain, tout le monde s'exulte. C'est exceptionnel, oui, c'est vrai. C'est tout vrai. Ça exceptionnel. Nous, on fait la fine bouche en disant j'ai le 15e mondial. J'ai que le 15e mondial dans la salle. Faut quand même relativiser ce qu'on fait quand même. C'est important de le dire. C'est important de le dire. On a des joueurs ici qui viennent à Orléans, qui sont les têtes de série naturellement sur un BWF 100, c'est entre 10 et 20, 25. Voilà. On retrouvera notre niveau l'année prochaine. On n'aura pas le plateau exceptionnel qu'on a eu cette année, mais une fois qu'on s'est dit ça, juste voir le 10e, 15e ou 20e mondial jouer à proximité de chez soi, c'est juste énorme. Ça arrive dans peu de sports. Ça arrive dans peu de sports. Je vous dis, aller sur des compétitions de tennis, quand ils ont le 70e mondial, ils exultent, ils ouvrent 4 bouteilles de champagne. Non mais on rigole. Nous, on fait la fine bouche parce que il n'est que le 15e mondial. Ah bah oui, mais... Voilà, on a quand même des plateaux qui sont exceptionnels. Ouais, on a des stars cette année, on peut le dire, et même d'autres années. Mais les autres, ouais, années, voilà, les autres années aussi. Exactement. Là, les auditeurs le verront pas, mais là, il y a le couloir avec tous les gagnants. On a des champions d'Europe, on a des joueurs qui sont maintenant rentrés dans le top 10 mondial. On a eu plein de stars qui sont passées à Orléans. Vous faites bien de le dire, c'est vrai que des fois on a des joueurs qui sont confirmés, qui viennent, européens notamment, mais on a aussi des jeunes asiatiques qui sont les stars de demain en fait, et donc c'est l'occasion de les voir maintenant, parce qu'après c'est des joueurs qui vont exploser quoi. En 2016, on a, pour rebondir sur votre question, en 2016 on a Jingo qui a gagné ici. Jingo, elle avait 16 ans, elle jouait contre Fitriani qui avait 16 ans. Alors, comme me disait un de mes proches, tant d'efforts pour organiser un tournoi cadet. Cadette, pardon. Elle était championne du monde junior cette année-là en plus. Elle était championne du monde junior. Donc on a quand même fait la révélation d'une star. Elle fait quart de finale hier. Donc elle perd assez sèchement contre la numéro 1, la tête de série numéro 1. C'est quand même une fille qui sera dans le top 20 mondial très prochainement. On a le jeune Thaïlandais là, excusez-moi, j'ai oublié son Vittit prénom. Vittit Sarn. Voilà. Triple champion du monde junior. Triple champion du monde junior. Pardon. J'étais à fond derrière Brice hier. J'étais à fond, vraiment à fond derrière lui, mais honnêtement, il lui a mis une raclée. Quoi. Ah oui. Il lui a mis une raclée. Il y avait une vraie différence. Il y avait une vraie différence de niveau. Oui, bien sûr. Ce joueur-là. Allez, moi je lui donne encore 2 ans, il est dans le top 10 mondial. C'est long, 2 ans. Je pense qu'on y sera moins. Mais... On y sera, voilà. Mais bien sûr. Ah, oui, mais... Vu son niveau de jeu, alors je suis vraiment désolé pour Brice parce que j'aurais vraiment aimé qu'il gagne. Mais il lui a foutu une raclée hier, quoi. Et Brice, je pense qu'il n'a pas encore compris ce qui lui est arrivé. Hein. Mais en plus, Brice Leverdez, il fait une bonne semaine. Et le fait qu'il prenne ce score-là, ça montre à quel point l'adversaire est fort et à quel point voilà, il fait une demi-finale. Enfin, il fait une finale en Suisse contre Axelsen. Ça montre que ouais, le tournoi, même c'est en année exceptionnelle, mais malgré des forfaits, il y a quand même des joueurs exceptionnels. Oui, il y a vraiment des joueurs exceptionnels. Donc, boudons pas notre plaisir. Soyons ultra positifs. Tout en étant négatif au PCR, bien sûr. non, mais évidemment. Soyons ultra positifs. Voir ce type de joueur, c'est des choses exceptionnelles et il faut bien s'en rendre compte. Il faut que les joueurs de BAD s'en rendent compte. Mais même quand on va sur les tournois de BAD français, vous avez plus l'habitude. Moi, j'y vais beaucoup moins maintenant. Mais quand on voit les champions de France jouer dans nos gymnases, nos voisins, ça arrive dans peu de sports, quoi. C'est vrai. Hein. On ne se rend pas toujours compte. On ne se rend pas toujours compte. On s'habitue finalement, mais c'est on pas... On s'habitue. Ouais, bon, voilà, c'est comme ça. Mais il faut... on s'y habitue trop à y penser. Je ne veux pas faire un star system, ce n'est pas ça. Mais on côtoie des gens exceptionnels. Non, mais c'est important de le dire. Est-ce que vous pensez que l'Orléans Masters, pour ce qu'il représente et les joueurs qu'il fait venir et tout, au niveau du sport en général, que ce soit la région ou le sport français, est-ce qu'il est assez reconnu à sa juste valeur, vous trouvez? Alors, il y a deux points de vue sur ce sujet-là. Dire qu'il est reconnu, je pense que oui, il est reconnu dans le monde. On fait plus d'un million de vues sur YouTube tous les jours en ce moment. Donc, je pense que la communauté de badminton mondial reconnaît l'Orléans Master. Et le reconnaît et le connaît. Hein. Donc, c'est très, très suivi dans le monde. Par contre... on a une difficulté, c'est à le faire reconnaître localement. Quand on parle de l'Orléans Master aux Orléanais, il vous regarde de travers, il dit « Ah bon, il y a une compétition de badminton ici à Orléans. » Donc, on est plus connu en Indonésie qu'à Orléans. C'est paradoxal. C'est complètement paradoxal. Hier, il y a eu 500 000 Indonésiens qui ont regardé les matchs. C'est complètement fou. Il y a 600 000 habitants dans le Loiret, donc voilà. Donc pour la blague, il y a eu plus d'Indonésiens que de Loiretains qui sont courants qu'il y a un Orléans Master. Bon, je pense qu'on a collectivement un gros travail à faire sur les événements au niveau fédéral, que ça soit sur les UNEX, Internationaux de France, de badminton, l'Orléans Master, les Championnats de France, pour qu'il y ait une culture badminton et qu'il y ait une culture des événements. Et ça, c'est important que le joueur de bad comprenne que les événements, c'est important pour la promotion de notre sport. Il faut continuer à travailler là-dessus. Il faut trouver des solutions pour que tous les joueurs de bad soient au courant que les Yonex au mois de novembre, octobre-novembre, l'Orléans Master au mois de mars, les championnats de France au mois de février, et ça soit marqué dans leur calendrier et qu'ils puissent se dire ça je vais le suivre. Je vais le suivre d'une façon ou d'une autre. Soit j'y vais, soit je le regarde sur une chaîne télé, soit je le regarde sur du YouTube, soit je l'écoute dans une radio, peu importe. Ou soit je le lis dans la presse, mais peu importe, mais je le suis. Du coup, pour conclure, on va vous poser une petite dernière question si vous en avez le temps. Est-ce qu'il y a une volonté, du coup, vous en avez parlé pour les IFB et vous, l'Orléans Masters, d'une meilleure communication peut-être, mais est-ce qu'il y a une possibilité aussi pour l'Orléans Masters d'encore évoluer, peut-être plus que Super 100, on pense à Super 300 dans un premier temps, est-ce que c'est une possibilité ou même une volonté tout simplement? Alors, la question aurait pu se poser cette année. Mais sauf que notre contrat avec la Fédération Internationale a été reporté d'1 an, vu qu'il a été annulé l'an passé. Donc tous les tournois sont prolongés d'1 an. Donc on sera à BWF 100 en 2022. Non, ok, d'accord. Maintenant, il faudra se poser des questions. En 2023, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne faut pas faire un BWF 300 juste pour faire un BWF 300. Bien sûr. Juste pour se dire, tiens, voilà, je passe des têtes de série 15e mondial à la tête de série numéro 10. Non, c'est un vrai projet. Ça, il faut que ce soit un projet. Et un projet porté collectivement avec la fédération, avec les acteurs locaux, pour se dire qu'est-ce qu'on fait de cet événement et qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc il faut se poser un petit peu, réfléchir et voir où est-ce qu'on y va. Parce que si c'est... il faut faire attention dans les événements, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il faut prendre beaucoup de recul parce que ça peut être l'euphorie. Et donc, on n'a pas les moyens d'avoir des événements qui sont déficitaires. Donc, il faut faire très attention et savoir là où on va. Hein, monter les marches une par une et regarder ce qu'on peut faire. Il faut savoir que BWF 300, il n'y en a que 10 dans le monde. Des BWF 100, il doit y avoir 11. Normalement, il y en a 11. Il y a peut-être eu un d'annulé, mais bon. Donc, ça veut dire que si on rentre dans BWF 300, il y en a un qui sort. Hein ? Et oui, forcément. Forcément. Parce que c'est limité. Donc, le nombre de places étant limité. Donc, il faut regarder comment on peut. Alors, peut-être rajouter un 11e. Avec la Fédération Internationale, de dire, bah voilà, on passe de 10 à 11 et pourquoi pas. Et on passe de 11 à 10 pour les Super 100. Mais peut-être, peut-être. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, un BWF 100, c'est déjà énorme. Il ne faut pas oublier ça, c'est que c'est pas la course à l'échalote de dire, bah, on monte toujours plus haut. Mais aussi, on peut faire plein de choses au niveau 100. Il y en a plein de choses à améliorer. On va lancer des initiatives l'année prochaine. On a plein d'idées qui ont émergé cette année. Alors peut-être que c'est l'effet du confinement qui font que on ressort avec plein de nouvelles idées. Mais on va faire des choses extraordinaires l'année prochaine. Donc je vous invite à continuer à nous suivre et vous allez voir, on va faire des trucs sympas. Et vous faites déjà plein de choses cette année et c'est important que nos auditeurs le sachent parce qu'on ne se rend pas toujours compte, mais c'est vraiment un événement majeur et c'est cool de l'avoir en France. Ouais, je rajouterais qu'avoir deux tournois de cette ampleur-là en France, c'est déjà assez exceptionnel, quoi. Donc c'est vrai qu'avoir un Super 100, un Super 750, c'est déjà quelque chose de très, très important et je pense qu'il faut s'en rendre compte aussi. Oui, ouais, il faut s'en rendre compte. Hein. Y a beaucoup de pays qui nous envient par avoir ce type de compétition. Un autre point, c'est que la France est un très bon organisateur. Ça, il faut se le dire aussi. Globalement, quels que soient les sports, nous avons des infrastructures, nous avons des compétences que tout le monde, tous les pays n'ont pas. Donc, il faut voir quand on organise des événements, ils sont plutôt bien organisés. Donc, on a cette chance-là. On se remet pas mal en cause. Hein. Donc, ça nous permet d'avancer. On a cette culture-là de progression, et donc d'année en année, on progresse. Mais voilà, on a des bonnes compétences en France pour faire ce type d'événement. Bah, c'était notre dernière question. Merci d'être venu nous voir et merci d'avoir pris de votre temps pour nous répondre en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une bonne fin de tournoi. Merci. 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。经历这平凡的